Salut à tous et bienvenue sur l'épisode de présentation de Hardcast, le podcast sur l'actualité rock et métal. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'Hardcast ? Hardcast, c'est premièrement un site internet accompagné d'un forum avec une communauté très active. Et deuxièmement, c'est un projet de podcast pour l'actualité de notre musique préférée. Nous présenterons le podcast toutes les deux semaines, ou peut-être toutes les semaines si nous en avons le temps. Je suis actuellement à la recherche d'un co-présentateur, alors si vous êtes un passionné de rock et de métal, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse suivante contact@hardcast.fr. A bientôt pour le premier numéro de Hardcast. Ciao.